Depuis que tu es parti, tu as bouleversé ma vie. La maison reste fermée depuis que tu m'as quitté. Chaque jour que Dieu fasse, je ne pense qu'à toi. J'attends juste en face que tu reviennes à moi. C'est écrit dans le livre de la grande destinée que l'on ne peut pas vivre tous les deux éloignés. C'est écrit dans le livre sur des pages gravées que je ne pourrais vivre sans tes doux baisers. Ma vie ne compte plus, sans toi je suis perdu. Mes nuits sont perturbées depuis que l'on s'est fâché. Je ne cesse de penser qu'on aurait pu partager cet amour si merveilleux, on aurait pu être heureux. C'est écrit dans le livre de la grande destinée que l'on ne peut pas vivre tous les deux éloignés. C'est écrit dans le livre sur des pages gravées que je ne pourrais vivre sans tes doux. Sans tes doux baisers, que je ne pourrais vivre sans tes doux.